Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau morning, c'est mercredi, on rallume les amplis pour revisiter trois méga classiques du rock. Accroche-toi, ces morceaux ont fait l'histoire de la musique, et tu le verras, et d'ailleurs on commence gentiment avec Come Together des Beatles, un morceau emblématique qui ouvre Abbey Road, le 11e album original du groupe, sorti le 12 septembre 1969. Tu sais, c'est ce fameux album avec la fameuse photo où on voit John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison traverser une route sur un passage piéton et, comme le titre de l'album l'indique, c'est bien Abbey Road, dans le nord-est de Londres, que les quatre artistes traversent, hein. Comme quoi tout est lié et si tu es fan des Beatles, si tu as déjà vu cette photo, ce dont je ne doute absolument pas, et si tu veux recréer cette fameuse photo, eh bien direction Abbey Road dans le nord-est de Londres. Si tu as prévu d'aller en Angleterre dans les prochains jours, tu prends trois potes à toi ou ta famille et vous allez recréer cette fameuse photo. Ça peut être stylé, ça peut faire de jolis souvenirs. Allez, Come Together des Beatles, c'est maintenant sur Bizoy. To be a Sur ce titre, Come Together, John Lennon glisse à la voix Shoot Me, que l'on peut traduire en français par Tire sur moi. Ouais, ouais, c'est joyeux. Et il chante, il lance, il glisse Shoot Me de manière inaudible dans le mix. Beaucoup d'auditeurs n'entendent qu'un seul mot, Shoot, un détail caché qui amuse les fans, et c'est aussi la dernière tournée des Beatles immortalisée sur cette chanson d'ouverture. Et nous sommes partis maintenant pour la minute curiosité du jour. Est-ce que tu savais que le titre Don't Stop Me Now de Queen, que je te passerai juste après, a été élu 3ème meilleur tube de Queen par les lecteurs du magazine Rolling Stone, célèbre magazine de musique. Freddie Mercury, le chanteur de Queen, voulait en faire une chanson électrique dès le début et ça se ressent. Allez, je te passe ce titre, replonge avec moi il y a 47 ans en arrière. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, just while they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me, yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. I like don't stop it. Me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh! Sonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Have a good time. Don't stop me, yes, now. Have a good time. I don't wanna stop at all. Don't Stop Me Now de Queen, sorti en 1979, est écrit et enregistré en France dans le studio Supervert de Berles-les-Alpes qui a été démoli en juillet 86. Ce morceau est souvent cité comme l'une des chansons les plus joyeuses de Queen. Il a connu une seconde jeunesse grâce au film Shaun of the Dead avec Simon Pegg, sorti en 2004 et qui l'a mis sur toutes les lèvres. Concernant les bons plans locaux du jour, direction la capitale aujourd'hui, Et dès aujourd'hui, à Paris, retrouve l'expo Calder, rêver en équilibre. C'est une grosse expo événement sur Alexander Calder, un sculpteur américain décédé en 1976. Tu y retrouveras des sculptures mobiles spectaculaires. C'est vraiment un cadre exceptionnel qui aura lieu à la Fondation Louis Vuitton dans le 16e arrondissement de Paris. Une autre expo intéressante, Matisse 1941-1954, au Grand Palais de Paris, toujours dans le 8e arrondissement cette fois-ci. Ici, on est plutôt sur un autre style d'art, on était sur la sculpture juste avant. Eh bien, cette expo, c'est une expo, sans blague, majeure consacrée aux œuvres tardives de Henri Matisse. Elle explore la période où l'artiste, malgré le fait qu'il était affaibli à la suite d'une opération, réinventa sa pratique à travers la technique du papier découpé. Cette rétrospective met en lumière une phase de liberté formelle et de couleur qui influença terriblement l'art moderne. Et on finit sur une note rebelle avec The Clash, autre célèbre groupe, et leur non moins célèbre titre Should I Stay or Should I Go. Tu l'as déjà entendu, c'est sûr et certain, c'est LE hit punk qui a enflammé les radios des années 80. Et je te le passe tout de suite sur Bissoy, ta web radio préférée. Merci de te réveiller en notre compagnie. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Ce tube, Should I Stay or Should I Go, de The Clash, sorti en 1982, a connu deux vies. Un succès modeste à sa sortie, puis le sommet des charts UK en 91 après être passé dans une pub Levi's. Selon Joe Strummer, ce n'est pas un titre réfléchi mais plutôt l'expression de doute et de tension, à tort interprété comme un duo amoureux. Et avant de se quitter, c'est l'heure de l'horoscope Bissoy. En ce mercredi, le groove s'installe. Et on commence par les béliers. tu reprends le contrôle avec style. Taureau, lent, mais sûr et ça marche. Gémeaux, improviser égale gagner aujourd'hui. Cancer, tu transformes une galère en victoire. Lion, tu rayonnes aujourd'hui, clairement. Vierge, organisation au top, rien ne t'échappe. Balance, bonne vibe, bonne personne. Scorpion, tu vois clair là où c'était flou. Sagittaire, une opportunité t'appelle, reste à l'affût. Capricorne, tu es efficace, comme toujours. Verseau, une surprise sympa va arriver dans la journée, sois préparé. Poisson, trouve ton rythme et tout ira bien. Merci d'avoir vibré avec nous sur ces classiques. On se retrouve demain pour découvrir 3 pépites alternatives venues d'ailleurs. En attendant, reste connecté sur Bisoy, à l'écoute du bon son qu'on te propose et qu'on te passe chaque jour. Différentes émissions également, différentes chroniques et toujours avec un seul et même slogan. Sois, sens, vibre, be, feel, vibrate. Car tu le sais, je te le répète sans cesse, mais Bisoy, c'est LE son qui bouscule les codes. Salut et à demain.